Amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour ce numéro de Mosaïque. Ce numéro de Mosaïque. Et je vous propose d'abord une revue de presse, mais un peu rapide. Et puis après, des enregistrements et encore des enregistrements. Et puis de la musique, des chansons. Alors d'abord, on peut commencer par l'actualité un peu plus récente, là, le fait du jour. Europe, crise politique. Italie, front populiste. Front populiste contre front européen. Oui, faudrait voir les nuances là-dedans. Faudrait bien peser les nuances. Est-ce que le front européen est vraiment anti-populiste? C'est pas tellement sûr. Par ses actes, en tout cas, ça ne semble pas être le cas. Et puis, populiste, je trouve que c'est vexant, c'est blessant pour le peuple. Moi, je préférerais dire que là, les gens qui sont arrivés au pouvoir en Italie sont plutôt fascisants. Hein? Ça rappelle des mauvais souvenirs. Hein. Les Italiens devront revoter dans quelques mois après le rejet par le président d'un gouvernement de coalition des partis anti-système. Partis anti-système, ce serait pas si mal, l'anti-système. Mais tout dépend de ce qu'on veut mettre à la place. Le choc politique déborde donc les frontières de la péninsule. Voilà, alors le problème c'est que ça va pas rendre service au peuple italien, tout ça, et puis ça va pas rendre service non plus au peuple voisin, parce que le fascisme c'est quelque chose qui est assez contagieux. À travail égal, salaire égal, mercredi 30 mai 2018. La réforme des règles européennes sur le détachement de travailleurs a enfin abouti hier avec un vote écrasant, 70% des voix. Rencontre avec l'eurodéputée Elisabeth Morin-Chartier, ex-LR, qui a mené cette complexe négociation à Strasbourg. Donc, travail égal, salaire égal. Eh bien, on verra bien. Chiche, hein. Alors là, ça serait quelque chose, ça serait un sacré progrès. Hein. Un sacré progrès. Mais voilà. Permettez-moi de douter quand même. Hein. Ben oui, ça fait 37 ans qu'on fait marcher cette radio, ça fait 37 ans qu'on n'annonce pas que des bonnes nouvelles, qu'on n'annonce pas que des progrès. Hein. Ça avance, mais pas trop vite. Tout ça. Alors, autre chose qui n'avance pas bien vite, le 1-6-2018, les députés vosgiens aux abonnés absents sur le glyphosate. Tiens. Lors du vote de mardi, 69 députés se sont prononcés contre l'adoption du texte sur 85 votants. Les Vosgiens étaient absents. Alors, 85 votants sur 400 et quelques députés. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'hémicycle. Hein? Ah oui, ben il faudrait que ces gens-là ils soient payés au prorata des heures de présence dans l'hémicycle. Ça serait bien. Ah oui, ça les amènerait à travailler un peu plus peut-être, à être plus attentifs à ce qui se passe. Brexit, l'impatience de Michel Barnier. Les populismes en Italie et ailleurs, le populisme, hein, on a vu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, se nourrissent de la démagogie, mais aussi des graves erreurs de l'Europe. Eh oui, estime Michel Barnier dans l'entretien qu'il nous a accordé. Négociateur en chef de l'Union sur le Brexit, il confie aussi son impatience devant les atermoiements britanniques. Les Européens ont présenté fin février un projet agréé à 75% par le gouvernement britannique. Reste à la veille d'un nouveau cycle de négociations, de nombreux points durs, dont l'Irlande. Alors l'Irlande, attendons-nous. Pas toute l'Irlande, parce que l'Irlande du Sud, l'Irlande républicaine, elle reste dans l'Europe. Elle se pose pas de problème, elle n'a pas de problème de conscience. Elle est dans l'Europe, elle y reste. Non, l'Irlande dont il s'agit là, c'est un tout petit morceau de l'Irlande, c'est-à-dire c'est l'Irlande du Nord, un morceau de territoire irlandais qui a été conquis par les Britanniques et qu'ils n'ont jamais voulu rendre. Hein? Alors voilà, messieurs les journalistes, il faut faire attention quand même à ce que vous racontez. Eh bien oui, parce qu'après on parle de populisme. Ben oui, si les gens sont mal informés, volontairement ou involontairement, par inattention, par omission ou par ce qu'on voudra, ça va pas. Hein, oui, ben parce que c'est quand même la presse qui fabrique l'électorat, qui fabrique l'opinion. Hein. États-Unis, Europe, la guerre de l'acier. Ah, alors pourquoi Trump a déclenché ça? Ben parce que c'est vrai que les Américains, ils dépensent trop d'argent pour acheter de l'acier. De l'acier à l'Europe et de l'acier à la Chine et à d'autres. Et ils voudraient bien, ben oui, réduire les importations, parce que rien que le commerce entre les États-Unis et la Chine, c'est 400 milliards de déficit pour les États-Unis. Eh oui, les États-Unis qui étaient devenus, après la guerre en 1945, le premier fournisseur du monde en produits agricoles et industriels, est en train de rétrograder progressivement. Ben oui, parce que vous avez des tas de pays où la main-d'œuvre est encore nettement moins chère qu'aux États-Unis. Et puis, où les technologies les plus récentes ont pu s'implanter allègrement ces dernières années. Alors, la libre concurrence sans entrave, etc., le capitalisme débridé, le capitalisme qui... le libéralisme total, eh bien, ça commence à poser du problème, y compris aux États-Unis. Et oui, alors maintenant, comment vont-ils réagir vraiment? Et comment vont réagir les autres? Parce que, bon, évidemment, la France n'exporte pas à destination des États-Unis pour des milliards et des milliards, mais quand même, hein, si ce client-là vient manquer. Mais les États-Unis, en plus, font de la rétorsion. Si jamais on maintient notre commerce, par exemple, automobile, Peugeot, avec l'Iran, eh bien, les États-Unis vont prendre des mesures de rétorsion contre nos entreprises. Et oui, ben oui, les États-Unis se sont institués gendarmes du monde en 1945. Du fait qu'ils possédaient la bombe atomique, ils étaient les plus forts, donc c'était eux qui devaient commander. Voilà. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe dans la cour d'école, loin du maître, quand le maître a le dos tourné. C'est les plus costauds qui tapent sur les petits, quoi. La boutique Orange raccroche à Remiremont. Face au développement de l'achat en ligne, l'opérateur téléphonique Orange a décidé de fermer sa boutique Romary-Montaigne. Les clients sont renvoyés vers Épinal ou Saint-Dié. Alors, qui est responsable de cette situation? Eh bien, on pourrait se poser la question, trouver des éléments de réponse, bien sûr. On pourrait trouver des éléments de réponse. Oui. Parmi les nouvelles qui font plaisir, eh bien, il y a celle dont le titre porte, l'article dont le titre est « Fille de l'air ». du vendredi 1er juin 2018. L'aérodrome d'Azelo, près de Nancy, fête ce week-end, week-end dernier, 60 ans d'activité parachutiste. Parmi les pionniers, des femmes comme Françoise Cavé-Laurent qui raconte ses souvenirs. Alors, de 1957 à 1959, Françoise Cavé a réalisé 63 sauts en ouverture automatique et remporté quelques concours. Alors, cette dame, elle a coursauté il n'y a pas très longtemps et elle s'est fait plaisir une fois encore. Et oui, elle a 92 ans. Hein, vous n'êtes pas admiratif? Ah, ben moi aussi. Puis drôlement, hein. Eh oui, parce que dès que le parachute est ouvert, ça doit commencer à être pas mal. Hein, bah oui. Eh oui, ça doit être pas mal. Alors, elle, à l'époque, il n'y avait pas d'altimètre, il fallait compter les secondes. Hein. Voilà. Pesticides, défaites et paradoxes. La loi agricole est à camoufler pour les victimes des pesticides. Réflexion autour d'un modèle agricole qui interroge avec le combat de Dominique Marchal, agriculteur lorrain, malade depuis 2002. Eh oui, les premières victimes des pesticides, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Parce que bien évidemment, sur la boîte de pesticides, sur le bidon, les fabricants ne mettent que les informations qui permettent de vendre le produit, qui permettent de l'utiliser, mais qui n'attirent pas forcément l'attention sur les côtés néfastes de ce produit. Hein, qui ne disent pas, ben attention, si vous en mettez sur la peau, ça va faire ceci, cela. Si vous respirez, ça va avoir telle conséquence, etc. Il n'y a pas de danger. Les gens y prendraient peur et ils arrêteraient d'acheter ces produits-là. Alors évidemment, donc les premières victimes, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Et puis après, ben, après les consommateurs, les passants, etc., etc. Voilà. Nestlé certifie l'eau pour mieux la préserver. Oh, certifier, ça préserve. Eh ben, ma foi, voyons voir. Les responsables de Nestlé Water. Saint-Antonier, elle écrivait Water, O-U-E-T et accent grave R-E. Bon, Water. Bon, là, c'est W-A-T-E-R. Étaient réunis à Agrivert pour lancer AWS, un standard préservant les ressources en eau sur 95 sites d'ici 2025. Maurizio Paternello, PDG, souhaite une extension d'AWS avec d'autres acteurs. Alors là, tout ça, ça ne nous dit pas comment ça protège l'eau. Hein, bon, protéger l'eau, eh bien, ça veut dire ne plus utiliser de pesticides, de produits chimiques à la surface, parce que les produits chimiques de surface, ils sont entraînés par l'eau et pénètrent dans le sol de plus en plus profondément, ils s'accumulent dans le sol, et l'eau, au passage, eh bien, elle continue à ramasser ces produits-là et les amener chaque fois un peu plus bas, jusqu'à la nappe phréatique. Et puis la nappe phréatique, eh bien, elle arrive sur notre robinet, dans notre bouteille d'eau minérale ou dans l'eau du robinet. Hein, voilà. Et alors, je vois pas trop ce que leur machin truc bidule là, il sert, il va permettre de limiter la pollution et les maladies qui vont avec, parce qu'il y a un certain nombre de maladies, je pense qu'ils sont dus essentiellement, peut-être pas seulement, mais essentiellement à la pollution. Tous les machins qu'on nous fait avaler, boire, respirer à longueur d'année, à longueur de vie, et qui finissent par par emporter le morceau, quoi. Agrochimie, Bayer avale Monsanto. L'allemand Bayer s'est muet hier en géant mondial des pesticides, engrais et semences, en bouclant le rachat de l'américain Monsanto pour fournir une agriculture toujours plus stimulée par les biotechnologies. 2 ans après avoir annoncé cette emplette à 54 milliards d'euros, la plus importante d'un groupe allemand à l'étranger, Bayer a acheté les titres Monsanto pour $128 par action et les a retirés de la cote à Wall Street. Si l'intégration formelle ne débutera que dans 2 mois, Bayer enterre dès maintenant le nom sulfureux de sa cible, synonyme pour ses détracteurs des dérives de l'agrochimie et associé à une cascade de procédures judiciaires. Une pilule dure à avaler pour les défenseurs de l'environnement qui avaient manifesté fin mai à Bonn, en Allemagne. Revoici Melania Trump. Melania Trump qui avait disparu des écrans, eh bien, elle est revenue. Elle n'était pas fâchée, contrairement à ce que certains ont dit. Non, elle était... Bon, voilà, un petit problème de santé, paraît-il. Voilà. Réception des travaux à l'église Sainte-Madeleine à Laval-sur-Vologne. Voilà. Ensuite, de la Caisse des dépôts et à la Banque des territoires, collectivités locales. Le premier réacteur EPR, voilà une nouvelle qui est importante. Le premier réacteur EPR au monde a démarré en Chine. Extra Pressurized Water Reactor, donc a démarré en Chine. Vous savez, le fameux truc qu'on n'arrive pas à faire démarrer à Flamanville, hein, ça fait des années que ça traîne parce qu'il y a des problèmes de qualité de l'acier dans le dôme, hein, dans la cuve, autrement dit. Et apparemment, les Chinois ont résolu ce problème. Alors, sont-ils meilleurs en métallurgie fine que nous, ou leur a-t-on livré un dôme de meilleure qualité que celle que l'on fabrique pour nous-mêmes, à force d'échouer, on finit par apprendre, peut-être. Ou alors, les Chinois ont-ils tiré un trait là-dessus en disant ben, « on verra bien si ça tient, on a 1,3 milliard d'habitants, s'il arrive une catastrophe, ». Peut-être qu'ils ont raisonné comme ça. Non, pas quand même. Hein. Non, on n'oserait pas penser une chose pareille. Encore que, vous savez, les gouvernants. Bon, les gouvernants, ceux-là et les autres, les leurs et les nôtres. La mise en fonctionnement du premier réacteur nucléaire de troisième génération est une bonne nouvelle pour EDF, alors que les autres chantiers connaissent de nombreux déboires, à l'instar de Flamanville. Oui. Alors, peut-être que le réacteur que l'on doit construire en Finlande va enfin pouvoir démarrer, parce que ça fait un certain temps que l'on verse des sommes à la Finlande, parce qu'on a dépassé largement la date prévue de livraison, ce qui était prévu sur le contrat. Eh oui, ben oui, quand on a du retard, on paye. Hein. La tabatière change de propriétaire, oui. Ensuite, Remiremont, avant, après. Ouais, il y a deux photos. La cheminée de l'ancienne filature n'est plus qu'un souvenir. En effet, sur la photo de gauche, on voit une grue et à côté une cheminée d'usine textile. Et les cheminées, vous savez, comme on en a vu tant dans les Vosges à une certaine époque. Et puis à droite, eh bien, il y a les mêmes bâtiments, sauf qu'il n'y a plus la grue et puis il n'y a plus non plus la cheminée. Voilà. Un trait tiré sur le passé. Comme dit la chanson, du passé faisons table rase. Mais c'est peut-être pas tout à fait de ça dont il s'agit. Je mélange peut-être les choses, hein, qui sait. 03 29 62 40 40, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte. Si vous trouvez que je vais trop vite. PSA se retrouve sous le joug américain. Eh bien oui, parce que la France avait, après les accords avec l'Iran concernant le nucléaire civil, et dans son prolongement, le nucléaire militaire, la France avait pris des marchés en Iran, notamment en ce qui concerne l'automobile. Eh bien là, PSA va se retrouver le bec dans l'eau, parce que l'Iran était devenu un bon client. Voilà. Et les Américains, eh bien, ils vont faire papa cucu à tous les pays qui continuent à faire du commerce avec l'Iran. Eh oui, les États-Unis sont le père fouettard du monde, sont le big chef du monde. Ah bah oui, oui. Alors voilà, les intérêts nationaux, etc., les accords multinationaux de commerce, libre-échange, machin, chose, etc., ils les appliquent quand ça les arrange. Et quand ça les arrange pas, ils font du protectionnisme, eux aussi, à leur manière, et sans se concerter avec personne d'autre. Oui, pour l'instant, ils sont encore les chefs. Depuis 1945, depuis les deux bombes d'Hiroshima et Nagasaki, ils peuvent se permettre d'appuyer sur les furoncles des autres, sur les blessures, sur les entorses, etc., et leur faire mal pour les faire obéir. Bon, ça va peut-être pas durer parce que on voit se pointer la Chine qui discrètement prend des positions sur l'échec qui est international. Elle avance un pion à la fois, hein, sans faire de bruit, sans se fâcher, sans avoir l'air d'eux. Mais voilà, hein, 400 milliards de déficit commercial pour les États-Unis vis-à-vis de la Chine par an. Et ça fait commence à faire beaucoup, hein. Un tiers de la dette extérieure des États-Unis détenu par la banque centrale chinoise. Bon, voilà. Explosion du trafic des armes. La surveillance du marché des armes, où se côtoient collectionneurs et membres du grand banditisme, est devenue une priorité des douanes. Immersion au sein de la cellule des renseignements et de pilotage des contrôles. Ouais, ben oui, il y a eu un accident il n'y a pas longtemps. Un collectionneur qui avait acheté un obus et puis qui a voulu sans doute enlever un peu de rouille, qui a voulu un peu le gratter, le nettoyer. Hein. Et puis il n'a pas vu qu'il grattait un petit peu à côté de l'amorce et boum. Ben oui, voilà, c'est ça. Quand on joue avec des... avec des explosifs qui sont faits pour tuer, ben des fois on est tué. Ah oui, c'est des choses qui arrivent, ça. Ben oui, que voulez-vous. Alors la France est un des premiers vendeurs d'armes dans le monde. La France a beaucoup d'armes sur son territoire. Ben oui, la guerre de 14, celle de 70, celle de 14 et celle de 39-45. On essaie d'enterrer ici et là pas mal d'armes. Hein. Ben, on a bien déminé en 45, mais bon... On a peut-être oublié des trucs. Hein. Donc, de temps en temps, quand une pelleteuse fait un trou quelque part, voilà. Les revenus des Français ont résisté à la crise. Ah, tiens. Et l'on voit, Bernard Arnault est l'un des plus gros contribuables français. Les 1% les plus riches, si vous gagnez plus de 106 200 euros par an, vous faites partie des 1% de Français les plus riches. Ramené au moins, cela donne 8 850 euros. Avant imposition pour une personne seule. C'est sur ces très gros revenus qui concentrent tous les fantasmes, voilà ce qu'on peut dire. Ils sont plutôt âgés, ont moins d'enfants que la moyenne, voire pas du tout, sont souvent propriétaires, ça ne surprendra personne, et vivent beaucoup à Paris, etc. etc. Voilà. Alors les enfants, il y avait tout à l'heure devant l'hôpital une manifestation pour garder la maternité à Remiremont et garder même un certain nombre de services qui, si on les enlève, risquent de mettre à mal l'hôpital de Remiremont. Et en même temps l'hôpital d'Épinal, puisque les deux sont liés, ils ont la même direction, ils ont la même politique. Alors ça veut dire que si on habille Pierre davantage, ça veut dire que c'est au détriment de Paul, et inversement. Voilà. Alors il faut absolument que les gens maintenant soient solidaires, que le personnel de Remiremont et le personnel d'Épinal soient solidaires, solidement solidaires, bien, vraiment solidaires. Et oui, et sinon, y a une partie des services qui sera supprimée du public, et que l'on retrouvera au miracle, dans le privé. Ben oui, ben tiens, alors après ça sera moins bien et ça sera plus cher. Voilà, alors il faut que les gens résistent, hein, s'ils ont le courage de résister. Hein, bon, parce que c'est vrai, mais il ne faut pas non plus trop s'étonner du niveau de résistance des gens. Hein. Je ne sais plus qui a dit qu'il y avait en France, dans les années 40, il y avait 5% de résistants, il y avait 5% de collabos, et puis il y avait 90% de... Il y en a un qui a osé dire de moutons. Hein. Bon, voilà. Ben oui, est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il y a des gens qui se bougent pour faire bouger les choses dans le sens positif? Et puis, bon, est-ce que c'est une minorité, ceux qui bougent? Ben j'ai bien peur que oui. Alors bon, après il sera trop tard. Voilà, ben il faut se bouger tant qu'il est temps. Hein, et toujours. Claude Guéant, tiens. Affaire, financement libyen, Guéant chez les juges. L'audition de Claude Guéant dans le dossier libyen pourrait se solder par une nouvelle mise en examen. L'ex-directeur de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007 est déjà poursuivi depuis 2015 pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Vous entendez ça ? Blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Faux et usage de faux. Dans cette affaire de financement électoral présumé, en cause, un virement suspect de 500 000 euros sur son compte en 2008 en provenance d'une société d'un avocat malaisien. L'intéressé a expliqué que c'était le fruit de la vente de deux tableaux de peinture flamande, sans convaincre les juges. Oui, parce que les tableaux en question, ils étaient expertisés par un expert flamand qui a dit que ces tableaux-là avaient été vendus des dizaines de fois le prix, leur valeur réelle. Donc ça veut dire que c'est un camouflage de tripatouillage, hein. Sans convaincre les juges, ces biens ont été saisis de l'ancien ministre de l'Intérieur, vous rendez compte. Les magistrats soupçonnent un lien entre un possible financement libyen de la campagne électorale victorieuse et une forte circulation d'espèces au sein du camp Sarkozy. Alors n'oublions pas qui était dirigeant de la Libye à cette époque-là. C'était comment il s'appelait déjà? Un nom en I. Oh, j'ai oublié. En France, c'était Sarkozy, mais là-bas, c'était comment? Kadhafi, voilà. Kadhafi donnait de l'argent, des valises d'argent à Sarkozy pour l'aider à être élu aux élections. Et après, il lui faisait le reproche de l'avoir été, d'être un peu ingrat, de ne pas lui renvoyer l'ascenseur comme il conviendrait. Hein, voilà. Alors tiens, le hasard, vous voyez comme le hasard fait les choses. Hein. Remiremont, politique. Nicolas Sarkozy m'a donné des conseils. Le maire de Remiremont, Jean Ingret, a passé du temps ce mercredi matin avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qu'il a reçu dans ses bureaux parisiens. Comment avez-vous obtenu ce rendez-vous ? Par mon chef de cabinet, Benjamin Rochman-Guiraud. Je travaille sur certains dossiers et c'est intéressant d'avoir l'appui d'anciens chefs d'État. Il m'a donné des conseils. Ah, bon, ce m'est fait quand même de ce genre de conseil, peut-être. C'est toujours mieux d'avoir un chef d'État dans la poche. Ah, ah, vous voyez, des grandes poches, hein. Sarkozy n'est pas très grand. Et lui a marqué la Ve République par son action. Il a engagé des choses qui portent aujourd'hui leurs fruits, comme la réforme de la SNCF. Oh, oh là là, oh là là là là, oh là. Bon, allez, sans autre commentaire, on n'a pas le temps. La loi qui veut chasser les fausses informations. Ah oui, fausses informations. Comment ça se dit déjà en patois ? Je ne sais plus. Fausses informations, c'est bien en français aussi. Plusieurs voix s'élèvent parmi les élus de l'opposition et les journalistes pour dénoncer un risque de censure. Le gouvernement met en avant la volonté de lutter contre les tentatives de manipulation. Ah ben, tentatives de manipulation, le gouvernement, il est expert en la matière, hein. Ah oui, oui, alors là, l'information qu'on reçoit, elle est loin d'être objective. Elle est bien, bien manipulée. Quand vous regardez les informations sur le média et que vous comparez avec les informations sur les autres médias, c'est les médias entre guillemets officiels, hein, qui ont pignon sur rue, qui ont du fric, qui ont de l'influence, eh bien on s'aperçoit que c'est pas le même contenu, hein. C'est pas traité de la même manière et l'honnêteté, elle est d'un seul côté. D'un seul côté. Désolé pour les journalistes en poste, mais voilà. L'hôpital au cœur d'un rassemblement. L'hôpital de Remiremont a besoin plus que jamais de soutien. C'est l'avis de l'association de défense de la maternité et de l'hôpital qui organise un rassemblement ce vendredi soir. Donc c'était tout à l'heure. Je suis passé, il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde. Des gens qui sont décidés à bouger. Hein. Ah ben c'est bien. Et puis s'ils sont deux fois plus nombreux la prochaine fois, ça sera encore mieux. Ça sera encore deux fois mieux. Voilà. Ah oui, ben les gens commencent à réaliser que, ben oui, si on ferme la maternité, on pourra fermer les écoles maternelles, on pourra ensuite fermer les écoles primaires, et puis les collèges, et puis les lycées, et puis le commissariat, la gendarmerie, la mairie, l'épicerie à un tel, le magasin machin, etc. Et puis Remiremont sera une ville déserte, où il n'y aura plus que des rues vides. Bon, maintenant, vous me direz, c'est peut-être une façon qu'a Emmanuel Macron, de lutter contre le chômage. Eh oui, il faut prendre le problème à la source, toujours. En fermant les maternités, on diminue ou on tarit les naissances. Et s'il n'y a plus de naissances, ben, il n'y a plus de chômeurs. Ah ben voilà, vous voyez, on voit le mal partout, tout le temps, on critique, hein, eh ben oui, on critique, mais on cherche pas à comprendre vraiment, quoi, hein. Comment le Qatar résiste au blocus ? Bon, le Qatar résiste au blocus, bon, ben voilà, c'est peut-être une bonne nouvelle, je sais pas. Bayer supprime la marque Monsanto. Ben oui, Bayer a acheté Monsanto, donc maintenant il va supprimer la marque, ben oui. 243 magasins Carrefour tirent le rideau. Rumont, le ballon fait partie du quartier. Ah, le ballon fait partie du quartier. Ah, c'est un message peut-être un peu codé, je ne sais pas. Ce qu'on a le mieux réussi, ce sont nos enfants, dit une dame qui écrit également « J'ai grandi dans une communauté ». Nolwenn, 47 ans, a passé sa jeunesse dans un moulin où l'on rêvait d'un autre monde. Aujourd'hui, elle s'en souvient avec tendresse. Pas de télé, de bonbons, de coca, d'habits neufs, de cinéma, de vrais médicaments. Voilà. Mais elle est très fière de sa jeunesse et elle est très heureuse de sa vie. Oui, parce que pendant ce temps-là, pendant que les autres enfants, avec tout ce qu'il est convenu d'avoir, de faire, de dire, eh bien, eux, ils disaient, ils faisaient, ils pensaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient la liberté. Et ça, c'est que la liberté, c'est quelque chose d'importance. Alors, autre chose encore, tiens. Doyen, à 50 ans, le Lorrain Fabrice Gartner a décidé de réaliser un rêve d'adolescent devenir chauffeur de bus. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avant ? Doyen de la fac de droit et chauffeur de bus. On va à la pêche pour le plaisir. Conduire un bus, ça se fait de manière professionnelle. Donc, il a appris, il a passé le permis, il a passé toutes les épreuves nécessaires pour devenir chauffeur de bus. Alors, on va faire un peu court. Bio, le 4 mai 1967, naissance à Saint-Dié-des-Vosges. 1994, créé un cabinet d'avocats à Épinal, spécialisé dans le domaine du droit administratif, général et spécial. 1997, fonde le Master 2 de droit des contrats publics. Novembre 2014, donne de représentation avec la troupe de théâtre amateur qu'il anime à l'occasion des 150 ans de la faculté de droit. 7 mai 2015, élection au premier tour comme doyen de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy. Il succède à Éric Germain. Voilà. Alors, un rêve d'enfant qui se réalise. Et dans ces conditions-là, bon, je dis, il n'y a qu'un mot, chapeau. Encore un mot et je passe aux enregistrements. Le fascisme, j'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure, le fascisme a commencé en Italie avec Mussolini, Benito Mussolini. Oh, un brillant orateur, hein. Oh là là, qui ne disait que des vérités, qui disait que des choses, enfin, brillant quoi. Voilà, donc les foules l'ont suivi. Le franquisme avec Franco, catastrophe pour l'Espagne. Mussolini, c'était une catastrophe pour l'Italie. Franco, c'était une catastrophe pour l'Espagne. Ensuite, il y a eu le nazisme avec Hitler en Allemagne. Et puis, le pétainisme avec Pétain en France. Et puis d'autres, en Amérique latine et à différents endroits, se sont comportés comme des fascistes. Ce qui a fait, uniquement pour la Deuxième Guerre mondiale, pour les quatre que j'ai cités tout à l'heure, 73 millions de morts. Le fascisme, c'est la pire catastrophe qui puisse arriver à l'humanité, qui est déjà arrivé à l'humanité. Mais ce n'est pas parce que c'est déjà arrivé une fois que ça ne peut pas arriver une autre fois. Hein. Ce sont des délations systématiques, ce sont les tortures, des mutilations, des camps d'extermination, des millions de déportés, des millions d'émigrés. Le fascisme, c'est un crime. L'Italie est mécontente. À son entrée en guerre en 1915, on lui a promis de larges agrandissements territoriaux. Après la victoire, elle a bien obtenu Trente, Trieste et Zara, si longtemps désirés. Mais la Dalmatie lui échappe par la volonté du président Wilson. De graves troubles sociaux agitent toute la péninsule, causés par la cherté de la vie et par la maigreur des salaires. Des grèves éclatent dans les services publics et dans les chemins de fer qui sont gardés militairement. Des manifestations violentes se produisent devant les manufactures, sur lesquels on hisse parfois le drapeau rouge. Les ouvriers occupent par la force les grandes usines et en écartent impitoyablement les curieux. De longs cortèges, des meetings, parfois tumultueux, se succèdent dans toutes les grandes villes, spécialement à Rome et à Milan. On peut se demander si le communisme ne va pas triompher. Les vieux hommes politiques tels que Giolitti se montrent incapables de ramener le calme. Mais contre le communisme se dresse un ennemi puissant, le fascisme. les faisceaux d'anciens combattants ont trouvé des appuis dans la société capitaliste, dans la bourgeoisie et même dans certaines classes populaires. Eux aussi manifestent. Ils organisent des meetings, des cortèges provocants. Ils bâtonnent leurs adversaires ou les contraignent à boire de l'huile de ricin. De là, de violentes bagarres que la police ne peut pas toujours réprimer. Les fascistes ont trouvé un chef prestigieux, Benito Mussolini. Encore jeune, cet ancien socialiste devenu patriote ardent pendant la guerre possède ce dynamisme qui transporte les foules. On croyait que le fascisme c'était fini avec la guerre, le débarquement, mais... Voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ici, Londres. Ceci termine notre émission de 13 heures destinée à l'Europe. Notre prochaine émission aura lieu à 17 heures. Les radios libres étaient très utiles à l'époque. Le débarquement a commencé dans les airs. Les alliés ont en effet une écrasante supériorité aérienne. En quelques heures, plus de 1000 avions anglais et américains déversent leurs bombes sur les défenses allemandes. Les cratères provoqués par ces bombes sont encore aujourd'hui visibles à la pointe du Hoc, haut lieu stratégique pour les Allemands. Dans l'arrière-pays, afin de prévenir tout parachutage, les Allemands ont inondé les marais. Ils ont également planté des pieux pour empêcher l'atterrissage des planeurs. J'avais 12 ans donc à ce moment-là, et vers 10h du soir ou 10h30, on a entendu des avions qui passaient, du grand bruit, il faisait encore pas tout à fait nuit, et on voyait bien les avions, les portes ouvertes et les parachutistes qui ont commencé à descendre. Au début, ils ont été très réticents à nous contacter, si vous voulez. Ils croyaient arriver en pays ennemi en fait. Autant que j'ai pu en juger, c'était des jeunes gens, ils avaient entre 18 et 25 ou 30 ans peut-être. Mais c'était pas facile à voir parce qu'ils étaient tout barbouillés de noir avec du, vous savez, du charbon, hein, pour pas se faire voir dans la nuit. Donc nous on les voyait comme des diables, hein, un petit peu. Même par moments on en avait peur. Mon père a commencé à fumer sa première camelle, il était 4h du matin. Et moi à mâcher mon premier chewing-gum, à la même heure, les Américains m'ayant donné un paquet de chewing-gum. Mais comme je ne savais pas ce que c'était, je l'ai mâchouillé, je l'ai avalé. Au moment où les Américains sautent sur Sainte-Mère-Église, les Britanniques de la 6e division aéroportée s'emparent du pont de Bénouville entre Caen et la mer. Ces opérations aéroportées préparent l'arrivée d'une armada de 7000 bateaux et 300 000 hommes devant débarquer troupes et matériels sur 5 sites choisis. À l'aube du 6 juin, l'armada alliée prend position et commence à bombarder la côte tenue par les Allemands. Le 6 juin 44 au matin, la plage de Colville ne s'appelle pas encore Omaha. De leur blockhaus, les Allemands voient surgir à l'horizon les navires de la flotte alliée. À 4h30, une première vague de péniches approche d'Omaha. Touchée par les obus allemands, renversée par une forte houle, un grand nombre d'embarcations chavirent. Vers 6h, les soldats américains atteignent enfin le rivage. Face à une défense allemande intacte, toutes les premières vagues sont fauchées sur place. Pendant toute la matinée, les Américains sont menacés d'être rejetés à la mer. Aujourd'hui, cette plage française reste un haut lieu de l'histoire américaine. À Utah Beach, la résistance allemande est moins dure qu'à Omaha. Sur les 32 000 soldats engagés, les pertes s'élèvent à 300 hommes. Ici, à Saint-Aubin, seules 3 maisons étaient construites en juin 1944. Face à ces maisons, ce sont des Anglais et des Canadiens qui viennent prendre position sur ce lieu baptisé Juneau. Les seuls Français qui participent aux opérations ont débarqué à Ouistreham. Ils sont 177 et font partie du commando Kiefer. Nous sommes débarqués ici le 6 au matin à 7h20 du matin chargé de sacs qui pesaient entre 35 et 40 kg en fonction de l'armement de chacun. On était sur deux barges. Chaque barge avait une mission à faire, c'est-à-dire que la troupe 1, où tous les officiers ont été blessés en débarquant parce qu'ils ont été touchés par un obus, avait pour mission de prendre le casino en passant par la route qui est à l'intérieur des terres. La deuxième barge avait pour mission de continuer à prendre la plage et prendre tous les blocos qui se trouvaient entre cette partie du casino et le lieu de débarquement. Le Kieffer nous avait dit, voilà, bon, s'il y en a 15 entre vous qui arrivent, ça sera bien. Et alors donc on a couru en haut de la plage depuis. On était entièrement mouillé, on ne s'en est pas aperçu, vous voyez, on était mouillé, ainsi de suite, on ne s'en est pas aperçu. Le travail était là en face, on a couru le plus vite possible en haut de la plage, où nous avons coupé les fils de fer barbelés et traversé un champ de mine. Après les premières vagues d'assaut, armements, munitions, véhicules et troupes de relève sont débarqués le long du littoral. Ici à Bernières, devant cette maison, malgré le mur anti-char, la tête de pont anglo-canadienne s'organise. Le soir du 6 juin, les cinq plages sont solidement tenues. Mais les objectifs initialement fixés par l'état-major allié pour le premier jour ne seront atteints que quatre jours plus tard. La petite ville d'Arromanches a été choisie pour construire un port artificiel. Chaque élément a été fabriqué en Grande-Bretagne dans le plus grand secret et transporté ensuite jusqu'à la côte normande. Jusqu'à la libération de Cherbourg, 2 500 000 hommes et 500 000 véhicules vont transiter par ce port artificiel. Prouesse technique autant que stratégique, sa réalisation manifeste la supériorité matérielle des puissances alliées. Derrière ces fantômes de béton, tout le long du littoral, les centaines de milliers de sépultures réparties sur 27 cimetières restent aujourd'hui un lieu de mémoire. Le 6 juin 1944, qui restera dans l'histoire sous le nom de jour J, un puissant bombardement venu du large pilonne dès l'aube les défenses allemandes en Normandie. Tandis que le tir de barrage se poursuit, des milliers de soldats alliés, tassés dans des embarcations de débarquement, voguent vers les plages. Ils vont bientôt se heurter à une résistance acharnée. L'opération Overlord, nom de code pour le débarquement allié en France, vient de commencer. Le pari est risqué. Les alliés ont mis des années à préparer cette bataille capitale qui les mènera soit vers la victoire, soit au désastre. La lutte pour les plages normandes signera le premier pas des alliés vers la libération de l'Europe ou le maintien de la domination allemande sur le continent. Deux hommes vont mettre tout en œuvre pour faire pencher la balance de leur côté. Le général et commandant en chef des forces alliées, Dwight Eisenhower, et dans le camp allemand, le feldmaréchal Gerd von Rundstedt. Alors maintenant, je vous propose une histoire. Pierre Dac, comique très connu, enfin surtout par les personnes un petit peu âgées. Pierre Dac, eh bien, mais à part comique, eh bien, il était aussi un homme de radio à Londres, à la BBC, pendant la guerre, et il faisait partie de ceux qui étaient chargés de lire des messages à l'antenne à destination des populations européennes et de la population française francophone, en tout cas, en particulier. Alors, c'était lui qui avait inventé, par exemple, le slogan « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». Certains ont tendance à penser que peut-être que... Non, allons pas imaginer des choses. Voilà, je vous livre maintenant les blagues à la Pierre Dac. Oui, oui. Alors de toute façon, si vous êtes banque de l'autre œil, alors là, je crois qu'il faut y en avoir. Bigotron. Oui, et de toute façon, ça serait tout à fait dommage pour vous, parce que vous ne pourriez pas voir la merveilleuse invention du professeur Pierre Dac. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en général, ma sœur. Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron, que voici, est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse, de fond en comble, toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Tel qu'il est, le biglotron se compose, ou plus exactement se décompose, en trois circuits principaux, dont deux secondaires, et dont voici, par ordre d'entrée en action, le processus fonctionnel de sa posologie caractérielle et fondamentale. Tout d'abord, on distingue dans le premier circuit le clepsoïde. Le clepsoïde qui, isolé du piex de l'intrudement par une armature en finiabulose inifuge, agit par capillarité médulaire sur le filuseur de télé d'économétrie différée, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire, érigé en principe par le célèbre physicien Jean-Marie, qu'est-ce que la Volvole catalyse, en quelque sorte, le Schmutzmull de dérivation, lequel, par voie de conséquence, se trouve entraîné par le Bugmuche Michasiros spiroïdal en direction de la zone d'influence de la boustive de Rollweil, dont le tuyau d'argoniaphonie spéculaire libère un certain volume de la Knapspol, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de Smith-Puffer à l'état pur et de Trophinium filtrant sulciféré. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère, mais en sens inverse. Il est donc inutile d'en parler, même à voix basse, d'autant que c'est dans le troisième circuit que se trouvent étroitement conjugués les éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le Spatzmok rotatif à travaillère alternative, dont le rôle de générateur permanent est prépondérant, puisque par le simple truchement de son ennui de giclée, il polypophérie hypothèse littéralement le filtre à molécules butant, lequel, en dernière analyse, détermine l'angle orbiculaire et sinocoïdal du foutier sinocoïdromètre à spirale intra-putréfactionnelle. Parallèlement, enfin, le flux duc métronoclapsoïdique, naturellement, autrement ça n'aurait aucun sens. Le flux duc, donc, prenant appui sur la muffée d'allergie du connecteur à rustine de distorsion hémorroïdostatique, canalise d'une part l'afflux des particules hypoméphésoloïdes et d'autre part le reflux indexé des molécules hypersonfrocoïdaux, dont élimination positive de toute interférence parasitaire, puisque l'ensemble de la vélomation des circuits est, en dernier sort, que voici, simultanément contrôlé par l'amplificateur de Ruppin et par l'utilisation rationnelle dans la délure pafomotrice de la force extra phasaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes à l'air d'un concentrique. Quel est, dans ces lignes essentielles, le biglotron que les plus hautes autorités scientifiques internationales s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante des découvertes de tous les temps? Est-il, dans un avenir d'autant plus proche, qui sera moins éloigné, est appelé non seulement à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, y compris tout ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s'ensuit. Il va falloir attendre les débuts des guerres coloniales, en particulier l'Indochine, pour que cette extrême droite commence, timidement d'abord avec l'Indochine, à relever la tête, et puis bien sûr avec l'Algérie, à refaire surface, en se posant comme les grands défenseurs de la nation française menacée, à la fois par le communisme, par l'islam, par le fanatisme. Et là, on retrouvera, bien sûr, cette vieille extrême droite française qui va pouvoir se déployer à nouveau sur l'ensemble de l'échiquier politique et sortir de sa clandestinité. En Algérie, après la poussée de terrorisme, les opérations se poursuivent méthodiquement dans l'Aurès, devenu le centre d'action et de défense des nouveaux Fellaghas. Divers accrochages dans les environs d'Aris et de Fumtoub ont mis entre les mains des parachutistes plusieurs groupes de hors-la-loi. Aris, c'est la France. C'est pas une colonie lointaine comme l'Indochine. Hein. C'est pas le Maroc, c'est pas le Sénégal. C'est la France. Ce sont des départements français. Donc il s'agit de défendre l'unité de la France menacée. Et c'est ce qui va permettre, disons, à cette droite ultra de s'avancer. D'abord en 1956 avec les élections, enfin fin de l'année 55, début de l'année 56. La campagne électorale pour l'élection du remplaçant de M. le Moreau-Diaferi dans le premier secteur de la Seine s'est achevée sur une note pour le moins houleuse. La contradiction s'est donnée libre cours dans de nombreuses réunions et le Vélodrome d'hiver de Paris a connu des soirées dignes de ses meilleurs spectacles de catch avec grenades lacrymogènes en supplément hors programme. À cette époque, le mouvement de Pierre Poujade fait une entrée mouvementée dans le paysage politique français. Il dénonce les origines juives de Pierre Mendès France, accusé de trahison pour avoir mis un terme à la guerre d'Indochine. Il est vrai que l'enjeu était d'importance. En faisant le plein des voix des petits commerçants, Poujade effectue une charge à la hussarde contre le régime parlementaire et obtient 52 sièges à l'Assemblée nationale. Son bras droit, Jean-Marie Le Pen, qui fait à cette occasion ses premiers pas en politique, intervient violemment à l'Assemblée contre le gouvernement qu'il accuse de mollesse dans la répression en Algérie. Le poujadisme sera un feu de paille électoral. Rapidement, Jean-Marie Le Pen se brouille avec Pierre Poujade et remet son mandat de député. En 1957, il part en Algérie participer aux opérations de police de la bataille d'Alger sous le commandement du général Massu. Il sera décoré alors que l'écho des tortures pratiquées par l'armée française commence à se faire entendre dans la presse. Comme du temps de l'affaire Dreyfus, l'opinion commence à se diviser en France entre partisans de la paix en Algérie et défenseurs de l'honneur de l'armée. Et on voit s'avancer aussi Jean-Marie Le Pen et d'autres pendant la bataille d'Alger. Contre le terrorisme, contre le FLN, contre le fanatisme musulman, c'est le grand credo d'une extrême droite qui, dans le fond, commence à se structurer, commence à monter en puissance pendant la bataille d'Alger, principalement, en défense de l'armée. En défense de l'honneur de l'armée, bon, elle se réapproprie ce thème classique, disons, de la droite, pour s'avancer de plus en plus. Le 13 mai 1958, une insurrection éclate à Alger contre l'investiture à Paris de Pierre Flimelin, favorable à des pourparlers avec le FLN. La foule algéroise, réunie sous la direction de partisans gaullistes et d'activistes comme Pierre Lagaillarde, a pris d'assaut le gouvernement général qui est mis à sac. Les généraux Salan et Massu laissent faire. Le soir même, le général Massu installe un comité de salut public et le général Salan annonce qu'il prend en main les destinées de l'Algérie française. Sous la menace de la guerre civile, la 4e République s'effondre. Après d'ultimes consultations dans son hôtel parisien, le général de Gaulle va se présenter à l'investiture de l'Assemblée nationale qui connaît des heures d'une exceptionnelle gravité. Le général de Gaulle va instaurer l'année suivante le régime présidentiel de la 5e République. 18 mois plus tard, les mesures qu'il avance pour trouver une solution au drame algérien vont décevoir les partisans de l'Algérie française. Fondamentalement, ce qui va ouvrir et dégager un champ politique à l'extrême droite française, c'est la position du général de Gaulle sur la question algérienne. C'est ça qui va lui permettre de réexister à nouveau en France de manière beaucoup plus importante. Pourquoi ? Bien, parce que le général de Gaulle était précisément ce personnage qui occupait l'ensemble du champ des imaginaires dans la défense de la nation, du résistentialisme politique, et y compris de la défense de l'Empire, et donc de l'Algérie française. De Gaulle était sur cette position-là. Puis tout d'un coup, le 16 septembre 59, il fait une déclaration où il passe sur une autre position politique, c'est-à-dire l'autodétermination pour l'Algérie. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. C'est à ce moment-là que l'extrême droite française sort du bois vraiment. C'est-à-dire qu'elle s'affirme publiquement très très vite, quelques semaines, quelques mois après. Elle organise à Alger ce qu'on appelle les barricades en janvier 1960. Et là, on a en germe la constitution de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Les têtes de l'insurrection d'Alger sont un célèbre cafetier de Bab El Oued, Jo Ortiz et Pierre Lagaillarde. À Paris, le général de Gaulle se fait voter des pouvoirs spéciaux et affirme qu'il ne reviendra pas sur l'autodétermination. Patriote en conscience de sauver l'avenir des musulmans, de l'Algérie, de la France, de l'Occident et du monde libre contre les menées du communisme international. Ne réussissant pas à entraîner l'armée derrière eux, Ortiz prend la fuite et Lagaillarde finit par se rendre avant de s'évader pour rejoindre en Espagne le futur noyau de l'OAS. 18 mois plus tard, c'est l'armée elle-même qui entre en scène en organisant un putsch à Alger en avril 1961. À la tête des putschistes, le général Chal, commandant en chef en Algérie depuis 1958, et les généraux Jouot, Zeller et Salan. Tous ces généraux qui décident de tenir à l'écart les ultras d'Alger prétendent sauver l'honneur de l'armée face à la politique du général de Gaulle, accusé de brader le patrimoine national. Mais les chefs du putsch se heurtent à la passivité ou à la résistance du contingent. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. Il faut savoir que d'ailleurs au lendemain du putsch d'avril 1961, près de 800 officiers supérieurs de l'armée française ont été exclus des rangs de l'armée, hein, ce qui est un chiffre énorme, hein, qui ont été cassés. Les officiers supérieurs, hein, je ne parle pas hommes de troupes, parachutistes, commandos d'élite, etc. Bon, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été radiées des cadres de l'armée française, mais je parle des officiers supérieurs, hein, une espèce d'épuration, hein, qui a eu lieu après le putsch. Les généraux Salan et Jouot ont rejoint l'organisation de l'armée secrète qui rassemble les officiers putschistes et les activistes d'Alger. Alors que se négocie à Évian l'indépendance de l'Algérie, l'OAS se lance dans une politique de terre brûlée. Elle organise quotidiennement des attentats qui frappent la population musulmane et les symboles économiques de la présence française. Elle procède aussi à l'exécution sommaire de pieds-noirs progressistes qu'elle considère comme des traîtres. Presque un an après l'attentat OAS qu'il avait visé sur la route de Chaumont, le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Dans la nuit, aussitôt après l'attentat du Petit Clamart, nos reporters ont suivi les premiers pas de l'enquête. Près des buissons qui avaient abrité les tueurs... Le commando de l'attentat manqué est arrêté et son chef, le colonel Bastien Thierry, est fusillé. La défaite de l'OAS sonne la fin de la guerre d'Algérie qu'un référendum approuve en métropole à 90% des votants. La grande majorité des pieds noirs, 900 000 sur 1 million d'Européens établis en Algérie, émigrent alors dans des conditions tragiques. Le traumatisme restera indélébile. Ce qu'il faut savoir, c'est que énormément d'Européens d'Algérie votaient à gauche avant 54-55. Des quartiers entiers, comme d'Alger, comme Bab-el-Oued, par exemple, étaient des municipalités communistes. Or, la guerre, l'engrenage, toute une série de facteurs qui seraient très longs d'expliquer ici, fait que il y a un glissement quasiment communautaire. Un abandon des positions de classe, un abandon de l'imaginaire communiste et un glissement sur des positions nationalistes, c'est-à-dire en défense de l'Algérie française. C'est ça qui détermine leur posture principale. Or, certains, beaucoup même, sont des gens de gauche, sont des anciens communistes, ce sont des communistes ou des socialistes qui vont basculer à l'OAS. Ils vont donner ce nouveau visage à l'extrême droite française qui va rebondir dans les années 80 dans la lutte contre l'immigration algérienne, dans le fond, parce qu'ils retrouvent les accents de la bataille qu'ils avaient menée 20 ans auparavant, au moment de l'Algérie française. Dix ans après le drame algérien, une nouvelle organisation, Ordre Nouveau, fait son apparition en 1971. Son nom fait ouvertement référence à l'idéologie pétainiste. Ses activités sont essentiellement dirigées contre l'influence des différents groupes d'extrême gauche très actifs dans le milieu étudiant. Parmi ses dirigeants, un proche de Jean-Marie Le Pen, Maître Galvert, donne le ton. Deux ans de gauchisme, 12 ans de Braga, de Boyou, de Vernoux, deux ans de Braquet, de Braquet, de Piesa, de Chevena, les époux des gorges en France, la rappelle pas bon. Elle nous proposait, dans son fameux brevet, de nous considérer tous comme des juifs allemands. Eh bien, nous pour lesquels la naturalisation remonte tout de même à quelques dizaines de siècles, ne sommes pas des juifs allemands. À la fin des années 60, l'extrême droite est à la recherche d'un nouveau combat, mais elle n'arrive pas à le trouver. Or pourtant, ce qui va se passer en mai 68 en France aurait pu être l'occasion d'un retour. Et tout ce thème de la loi et de l'ordre, de la menace sur les fondements même du fonctionnement de la société, c'est la droite classique qui le récupéra, c'est le général de Gaulle, c'est le parti gaulliste qui, dans les élections de juin 68, récupérera toute cette thématique et connaîtra une victoire législative sans précédent. Et l'extrême droite donc reste dans la marginalité groupusculaire, elle le restera encore pendant de longues années, à peu près pendant toutes les années 70. Il n'est pas admissible que le premier sous-développé venu quitte soudainement son cocotier pour venir s'installer ici sous prétexte que le cadre lui plaît. En 1973, à la suite d'affrontements particulièrement violents avec les contre-manifestants d'extrême gauche qui attaquent systématiquement ces meetings, Ordre Nouveau est dissous par le ministre de l'Intérieur. Battu dans la rue, l'extrême droite est dans une impasse. Cette extrême droite va éprouver le besoin de rassembler plusieurs des familles de l'extrême droite. Et ça va se faire par la création, en 1972, du Front National. Et on s'aperçoit, dès le départ, quand on regarde l'organigramme du Front National en 1972, qu'il y a là à peu près toutes les familles. Il y a quelques royalistes, il y a des nationalistes, il y a des néofascistes, il y a les héritiers d'ordre nouveau. Et d'ailleurs, le Front National, c'était avant tout pour ordre nouveau le souci de se donner un visage respectable. Et dans ce souci de respectabilité, d'intégration au jeu politique, ils vont aller vers un homme qui n'était pas parmi les leurs, ils vont aller vers Jean-Marie Le Pen. Et nous sommes la droite, oui. Nous sommes la droite populaire, qui est ancrée sur les valeurs traditionnelles, qui à nos yeux ont fait les 2000 ans de notre histoire. Nous sommes la droite sociale, qui ne sépare pas l'amour de la patrie de l'amour de son peuple. Nous sommes aussi la droite nationale, pour qui le culte de la patrie est la forme la plus élevée de la solidarité entre les hommes de notre peuple. Il ne faut pas oublier qu'en 1974, par exemple, Le Pen avait été candidat à l'élection présidentielle. Et il avait fait moins de 1% des suffrages exprimés. Donc on voit bien comment, au fond, ces combats de chapelle étaient des combats obscurs qui ne mobilisaient pas sur la scène électorale. Mais en revanche, en même temps qu'il y a ces combats obscurs, il se passe des choses sur le terrain idéologique. Et il y en a essentiellement deux. Il y a d'un côté, ça avait commencé d'ailleurs un peu avant, la divulgation de thèses qui sont des thèses négationnistes, qui prétendent revisiter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et qui débouchent sur de multiples interrogations et puis ensuite négations, en particulier de la dimension de l'Holocauste. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je ne l'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est... Juifs, oui. La Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir... Comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, c'était pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? Et puis, il y a un deuxième courant que l'on va connaître dans les années 70, qui est un courant qu'on a appelé le courant de la nouvelle droite, grosso modo. Et qui est un courant où là, des auteurs, pas toujours négligeables d'ailleurs, vont entreprendre de renouveler un peu tout le corps d'idées de l'extrême droite traditionnelle. Ils vont pratiquer une modernisation, au fond, des différentes thématiques de l'extrême droite. On ne va plus parler de racisme, on parlera de culte de la différence. Donc, peu à peu, on rend certaines idées qui étaient des idées sulfureuses de l'extrême droite, on les rend peu à peu respectables. Certains tabous tombent et un certain type de discours qui pouvait paraître archaïque se présente sous un jour plus présentable. Ça existe les races, cher ami, ça existe. Ah, oui. Vous, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a la race kabyle, la race arabe, enfin bref, ça existe, oui. Vous croyez pas? Alors je crois que cette espèce d'inhibition sémantique qui consiste à considérer ce mot, c'est confondre le racisme et la race. C'est... Et il me semble, oui, non, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive? Le caractère incendiaire de la thématique de Le Pen naît dès les années 84-85. Pourquoi? Parce que Jean-Marie Le Pen va connaître ses premiers succès électoraux autour de deux confusions extrêmement dangereuses à manier. Il va d'abord dire aux Français « L'immigration est à l'origine du chômage ». Ce sont les premières affiches de Le Pen en 84. Donc il va désigner un bouc émissaire en chair et en os aux Français, à ce qui ne va pas. Les immigrés sont responsables du chômage, les immigrés sont responsables de la délinquance. Alors là, il va redécouvrir quelque chose que l'on connaît dans l'histoire depuis extrêmement longtemps et que l'historien de l'antisémitisme, Léon Poliakov, appelle la causalité diabolique. C'est-à-dire, Poliakov dit, quand on regarde l'histoire, il y a toujours de grands tribuns populistes, démagogues, qui n'hésitent devant rien pour expliquer ce qui ne va pas dans une société et qui disent toujours, si ça ne va pas, c'est à cause d'eux. Ils désignent un diable. La causalité est pour eux, de tel ou tel phénomène s'incarne dans un diable. Alors les diables, il y en a eu dans l'histoire, et Dieu sait si l'extrême droite les a utilisés. les francs-maçons, les juifs, les étrangers, les cosmopolites, les technocrates, les intellectuels qui perdent leur temps, etc. Il est temps de chasser du pouvoir les menteurs, les corrompus, les voleurs. Il est temps que le peuple fasse entendre sa voix et exprime sa volonté. À bas la République, République des ripoux! À nouveau sous la statue de Jeanne d'Arc, au lendemain du premier tour des élections présidentielles de 2002, la foule célèbre le 1er mai le succès électoral de Jean-Marie Le Pen qui vient d'obtenir 17% des suffrages exprimés. Dans une campagne très policée et relativement modérée, il a réussi à capter un nouvel électorat en s'adressant à l'ensemble des mécontents. Il ne faut pas oublier que Jean-Marie Le Pen est depuis maintenant de longues années le premier candidat en milieu ouvrier. Alors que jusque dans les années 70, la classe ouvrière française était le bastion de la gauche. Par exemple, la dernière élection, mais Jean-Marie Le Pen est à... très nettement devant tous ceux qui se réclament du combat de la classe ouvrière à l'extrême gauche, au parti communiste ou ailleurs. Donc il y a bien là, si vous voulez, le symptôme des souffrances, hein, des difficultés de cette France industrielle à rentrer dans un autre âge. Ça, c'est le premier terrain. Le deuxième terrain, c'est le terrain de ce que j'appellerais les inquiétudes de toute une série de milieux sociaux en France par rapport à l'ouverture de nos sociétés. Il y a là toute une série de milieux, en effet, qui disent, au fond, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets et il faut arrêter le mouvement. Donc, ce camp de la société fermée est la base de la dynamique électorale du Front National. Et ça lui permet, vous voyez, de sortir, j'allais dire, de l'électorat d'extrême droite. Mais l'électorat d'extrême droite, au sens propre du terme, c'est très peu de choses. J'allais dire, pour arriver à 15, 16, 17, 18%, il faut bien d'autres électeurs. Et il a été beaucoup les chercher dans ces milieux inquiets de l'ouverture économique et sociale. Ainsi, l'histoire des républiques françaises est scandée par le danger toujours renaissant de l'extrême droite. Monarchiste, antisémite, boulangiste, nationaliste, fasciste ou populiste, elle se nourrit des crises, des peurs et des malheurs successifs de la nation et prend la posture de la vraie France et du vrai peuple contre la démocratie républicaine. Mais seule l'occupation étrangère en 1940 lui a permis un accès éphémère au pouvoir. Car si elle gouverne parfois mal, la République se défend bien, les citoyens en sont les garants. Giorgio Frassinetti est le seul à détenir les clés de cet immeuble à l'abandon, ancien siège régional du parti fasciste. Le maire de gauche de Predappio, la ville natale de Benito Mussolini, a dû se battre contre les idées reçues pour mener à bien un projet un peu fou, ouvrir un musée sur le fascisme, ou plus précisément, et pour éviter toute polémique, un centre d'études et de documentation sur le fascisme. À Predappio, l'unique solution que nous avons trouvée pour échapper aux mains de ceux qui réduisent la ville à cette image, c'est la culture et la recherche historique. Plusieurs fois par an, des manifestants font le voyage à Predappio pour rendre honneur au Duce. La crypte où est enterré Mussolini attire des dizaines de milliers de visiteurs par an, tout comme sa maison natale. Orlando Bonotto a fait 300 km pour la visiter avec d'autres amis, tous habillés d'une chemise noire, symbole des milices fascistes. Moi, je suis de droite et je remercie ce monsieur pour ce qu'il a fait. Il a fait l'erreur de s'allier avec Hitler, mais après les années 50, combien d'hommes politiques s'en sont mis plein les poches ? pour les antifascistes, la nécessité de briser le tabou était primordiale aussi. Après les premières hésitations à l'annonce de ce projet, l'Association nationale des partisans italiens, les résistants, a finalement donné son feu vert. Cet effort que nous faisons, c'est d'offrir à Predappio une chance, une alternative à tout ce qui a été fait ces dernières années ici et qui a donné naissance à des manifestations pour le moins discutables, comme par exemple les magasins de gadgets, etc. Le gouvernement italien soutient le projet et a promis d'apporter des fonds. La rénovation du bâtiment et son aménagement en musée devraient coûter 6 millions d'euros, financés dans sa quasi-totalité par de l'argent public. Le centre devrait ouvrir ses portes en 2019. S'est engagé que tardivement dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Pourtant, elle a subi de plein fouet les conséquences de celle-ci. Le chômage a augmenté, les prix ont été multipliés par 4 et la production agricole ne suffit plus à nourrir le pays. A l'inverse, le conflit a permis un développement sans précédent de l'industrie italienne et les industriels ont vu leurs profits augmenter de plus de 20%. Dans ce contexte de crise sociale, se développe un mouvement social très fort. Des grèves et des révoltes éclatent dans toute l'Italie. Les industriels et les propriétaires fonciers, eux, craignent pour leurs possessions. Ils vont faire appel aux fascistes de Mussolini à partir de 1919. Dans cette vidéo, on va donc voir comment le fascisme est utilisé par le patronat italien contre le mouvement social, comment il va aussi être aidé dans sa marche vers le pouvoir et quelle politique il va mener. La vague d'agitation sociale qui marque l'Italie après la Première Guerre mondiale est visible ne serait-ce que dans l'évolution des effectifs syndicaux. La Confédération Générale du Travail italienne passe de 321 000 à 2,2 millions de membres en 1920. Les années 1919 et 1920 constituent en effet le pic de ce mouvement social italien. Les grèves et les occupations se généralisent dans tous les secteurs de l'économie, de la métallurgie aux exploitations agricoles. Les grèves veulent faire entendre des revendications comme les hausses de salaire ou le paiement de certains jours fériés. On approche ainsi des 2 millions de grévistes en 1920. Face aux événements, les autorités italiennes ne réagissent pas. Le gouvernement du Premier ministre Nitti n'envisage pas de céder aux revendications ouvrières. Mais il préfère rester prudent car il craint de ne pas pouvoir faire accepter à l'armée la répression brutale du mouvement. À partir de la fin de l'année 1920, le mouvement social perd de son intensité. L'hypothèse d'une révolution comme celle de 1917 en Russie, qui effraie les possédants, s'éloigne. Pourtant, c'est à ce moment que le grand patronat italien décide de contre-attaquer. Non seulement il s'organise dans des confédérations patronales, industrielles et agricoles, mais il commence aussi à subventionner les fascistes italiens et à s'en servir pour s'attaquer aux organisations ouvrières, sous prétexte d'une menace bolchévique. Fort de ce soutien, les faisceaux italiens de Mussolini connaissent une hausse considérable de leurs effectifs. De 19 000 membres en 1919, ils sont plus de 300 000 en 1922. Mussolini décide donc de tenter un grand coup de bluff. Le 28 octobre 1922, c'est la marche sur Rome, pendant laquelle les fascistes italiens tentent de converger vers la capitale italienne. Dans les faits, la marche sur Rome est compliquée. Les fascistes avancent lentement et difficilement. Mais le roi Victor Emmanuel III a peur d'une guerre civile, bien qu'il soit en position de force, et il refuse donc de les réprimer. Le 30 octobre 1922, le roi demande finalement à Mussolini de former le nouveau gouvernement. Il est en fait poussé à cette décision par une partie de la classe dirigeante qui pense pouvoir se servir temporairement des fascistes. Mussolini accède enfin au pouvoir. Il peut faire appliquer ses idées et commence par détruire la démocratie italienne. Il instaure un contrôle sur la presse, interdit les grèves, crée une police secrète mais fait aussi assassiner ou emprisonner les opposants politiques. Dans le même temps, la politique économique qu'il mène renforce surtout le pouvoir des plus riches. Les impôts et taxes sur les héritages, les profits financiers et les produits de luxe sont tout simplement supprimés. Mussolini dote néanmoins son action d'un vernis social. La durée de travail est plafonnée à 40 heures par semaine en 1923 et en 1927 un programme de santé publique est instauré. Mais dans le même temps, il met en place une charte du travail qui fait baisser certains salaires jusqu'à 20%. En 1931, lorsque la crise mondiale touche l'Italie, sa politique au service des classes possédantes se poursuit avec le renflouement des banques italiennes. Dans le même temps, rien n'est fait pour contrer l'expansion du chômage et ce sont plusieurs millions d'Italiens qui doivent émigrer pour trouver un emploi. Le fascisme italien est un nouveau type de régime dictatorial. Mais l'accession des fascistes au pouvoir montre aussi comment, face à une crise sociale profonde, ceux-ci ont servi au grand patronat italien de roue de secours sous prétexte de lutte contre le communisme. Francisco Franco, né en 1892 et décédé en 1975, est un militaire et homme d'État espagnol. De 1912 à 1926, il connaît une carrière militaire au Maroc au nom de l'Espagne. De 1926 à 1939, il occupe des postes importants sous des régimes successifs. Par exemple, le poste de directeur de l'Académie générale de Saragosse en 1928, celui de gouverneur général des Baléares en 1933 et celui de gouverneur militaire des Canaries en 1936. Toutefois, de 1936 à 1939, Franco se démarque par sa participation à un coup d'État en Espagne qui se transforme en guerre civile. De 1939 à son décès, il se nomme chef d'État à vie et dirige une dictature répressive, l'une des plus longues dictatures du XXe siècle. Entre 1936 et 1939, Franco s'impose comme chef du camp nationaliste en Espagne durant ce coup d'État qui devient rapidement une guerre civile. Dès juillet 1936, il prend le commandement de troupes marocaines, alors sous contrôle de l'Espagne, pour assujettir plusieurs villes, dont Saragosse, Vieille-Castille et Galice. Toutefois, certaines villes, dont Madrid et Barcelone, résistent. Ces échecs mènent rapidement à une guerre civile espagnole entre républicains et nationalistes espagnols. Ainsi, lors de la guerre civile, Franco a recours à la propagande pour affaiblir les républicains en prônant le culte de sa personnalité à travers l'épithète « Francisco Franco, Caudillo de l'Espagne par la grâce de Dieu ». Le 31 mars 1939, Madrid tombe sous les mains des nationalistes de Franco et les républicains signent la reddition. Ainsi, le 1er avril 1939, l'Espagne est soumise au régime dictatorial de Franco. Plusieurs répressions s'observent dans les régions conquises et on procède à des exécutions. À son arrivée au pouvoir en 1939, Franco adopte un système économique autarcique, c'est-à-dire une doctrine où l'Espagne se suffit elle-même sur le plan économique. Ce système provoque une famine en 1941 et une stagnation de la production. De plus, Franco met sur une armée active, la phalange, qui limite les attentats contre lui et légitime son pouvoir tout en effaçant toute trace de l'Espagne républicaine. L'État franquiste brime les libertés des Espagnols, la presse est censurée et les travailleurs sont soumis à un syndicat d'État qui empêche la création de groupes et de mouvements dont les idées ne coïncident pas avec celles du régime du Caudillo. Sur le plan international, en 1953, Franco signe des accords économiques bilatéraux avec les États-Unis. Cet accord autorise l'implantation de bases militaires américaines en Espagne. En échange, Franco obtient l'entrée de l'Espagne à l'ONU en 1955. Mais le régime de Franco n'est pas sans faille. À partir de 1957, confronté à de sérieuses difficultés économiques internes, le régime franquiste est en péril. Franco parviendra toutefois à calmer la grogne et rester au pouvoir, notamment grâce à une plus grande ouverture de l'Espagne au marché économique mondial. L'Espagne sera ainsi sous le joug de la dictature de Franco jusqu'à sa mort en 1975. En dépit du caractère dictatorial du règne de Franco, certains soulignent tout de même que les exploits militaires de Franco évoquent la force de leur nation, comme le démontre la statue équestre en l'honneur de Franco à Ferrol en Espagne. De plus, Franco, anticommuniste, opte pour une neutralité durant la Seconde Guerre mondiale et durant la Guerre froide. Un non-alignement qui, selon certains, lui permettra de rester des décennies au pouvoir. Je m'appelle Daniel Weissoff, je suis chargé de projet à mémoire d'Auschwitz SBL, qui est aussi la Fondation Auschwitz. La Fondation Auschwitz est née, a été créée en 1981 par d'anciens rescapés du camp d'Auschwitz, la plupart étant des résistants. La Fondation Auschwitz est un centre d'études et de documentation. Elle a eu pour but de promouvoir à la fois l'histoire et la mémoire, donc l'histoire pour raconter aux jeunes générations et au grand public ce qu'il s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, avec son corollaire si important qui a été la déportation des Juifs. D'autre part, il s'agit également de parler de la mémoire, donc de conserver la mémoire des événements par l'enregistrement des témoins et des survivants. Donc on continue à alimenter ces fonds grâce à des dotations, à des documents qui nous sont remis, principalement donc de la part de rescapés. À côté de ça, nous organisons toute une série d'activités pour comprendre ce qui s'est passé. Donc d'abord une invitation aux professeurs du secondaire à se rendre sur place, donc des voyages à Auschwitz, mais aussi dans des centres d'extermination maintenant. C'est un voyage plus récent que nous organisons. Nous organisons également des colloques, des conférences, nous avons des jeux d'exposition qui circulent dans les écoles, à la fois concernant l'histoire elle-même, de la Première à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur des sujets plus spécifiques. Alors nous sommes ici dans un lieu qui est tout à fait symbolique, et plus que symbolique, donc un lieu où un résultat très très concret d'une action de la résistance a eu lieu, tente de la rue Clémenceau, qui était un couvent du Très Saint Sauveur, et où des jeunes filles, tout un groupe de jeunes filles, se trouvaient, la plupart cachées. Et donc la Gestapo avait eu vent de ça et avait investi les lieux. À la tête de ce groupe de la Gestapo, ce fameux délateur, collaborateur de la Gestapo, que l'on appelait le Gros Jacques. La supérieure ici était bien sûr affolée et a négocié avec ce Gros Jacques le fait de pouvoir laisser ces jeunes filles tranquilles encore la nuit, de les laisser tranquilles, de manière à ce qu'elles puissent se préparer le lendemain matin sans énervement. Écoutez ma chanson bien douce que vers le elle aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son criage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est criagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole en public, ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la mise. On lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. Quand la femme est criagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elles respectent la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question de faire la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. Quand la femme est criagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Jusqu'au pied, sa burqa austère est garante de sa décence. Elle prévient la concupiscence des hommes auxquels elle pourrait plaire. Un regard jugé impudique serait mortel pour la captive. Elle pourrait finir brûlée vive, lapidée en place publique. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outrachées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Jeune femme, larguez les amarres, refusez ces coutumes barbares. Dites non au manichéisme, au retour à l'obscurantisme. Jetez ce mouchard à pied triste, mais de coutume esclavagiste. Et au lieu de porter ce voile, allez-vous-en, mettez les voiles. Quand la flamme est grillagée, toutes les femmes sont outrachées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Pour les 70 ans du débarquement, petite reconstitution des faits pour ceux qui n'auraient rien suivi. On est le 6 juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occupent la moitié ouest de l'Europe. Les Alliés, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Canada ont choisi de libérer la France en Normandie car les plages sont proches de l'Angleterre. Mais c'est aussi un endroit assez protégé car les Allemands s'attendent surtout à une attaque dans le Nord-Pas-de-Calais. Le débarquement commence dès la nuit du 5 au 6 juin avec l'opération Neptune. 7000 navires se retrouvent au sud des côtes anglaises sur un point nommé Piccadilly Circus, en référence à cet axe très fréquenté du centre de Londres qui connaît de nombreux bouchons. Pour couper la route à d'éventuels renforts, des bombardements ont lieu depuis les bateaux mais aussi depuis des avions. Toujours dans la nuit, des milliers de parachutistes sautent derrière les positions des soldats allemands. Objectif, les prendre en tenaille avec les soldats qui s'apprêtent à débarquer depuis la mer. À 6h30 du matin, 150 000 soldats débarquent sur les plages de Normandie à marée basse. L'assaut se déroule sur 5 plages au nom de code Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Les soldats sont entassés dans des barges, des petits bateaux à fond plat qui peuvent s'approcher tout près du sable. Mais les Alliés ne sont pas seuls sur la plage. Même si les Allemands ne connaissaient ni le lieu exact ni la date du débarquement, ils s'attendaient à cette attaque. Pour se défendre, ils ont mis en place ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique, de la frontière hispano-française jusqu'au nord de la Norvège. Il est composé d'une série de protections en béton avec mitrailleuses, barbelés, champs de mines, bunkers, stations radar et d'écoute. Les combats sont terribles, près de 10 000 hommes sont tués. Le soir même, pourtant, 135 000 soldats réussissent à prendre les plages. homme, c'est le prince Henri d'Orléans, alias le comte de Paris, héritier du trône de France. Sa fortune à la sortie de la guerre sera estimée à 1 milliard de francs. Le comte de Paris avait prévenu ses héritiers, vous n'aurez rien, rien que vos yeux pour pleurer. Il a apparemment tenu promesse à sa mort en 1999. La légende veut que ses héritiers se soient partagés quelques mouchoirs brodés. Des mouchoirs et plus aucun million, pas si sûr. Nous avons voulu savoir ce qu'est devenu l'immense fortune du comte de Paris. Voici une histoire familiale, un destin entre grandeur et décadence. L'enquête est signée Pierre-Emmanuel Luno d'Orignac et Emmanuel Fauconnet. 28 juin 1999. Devant des centaines de personnalités venues du monde entier, le comte de Paris, l'héritier des rois qui ont régné sur la France pendant 1000 ans, est enterré dans la chapelle royale de Dreux. Le comte de Paris est un mystère. C'était un personnage extrêmement charismatique, fascinant, envoûtant même. Il faisait partie de ces personnages hors du commun. Le comte de Paris, un homme qui avait tout. Un nom, une famille nombreuse et unie, et surtout un patrimoine immense. L'une des toutes premières fortunes de France, évaluée à l'époque à près d'un milliard de francs. L'héritage des Orléans, c'est des hectares de terre, c'est des châteaux, c'est des meubles, c'est des bijoux, c'est des peintures. Pourtant, cet homme va volontairement détruire ce fabuleux héritage. Il finira sa vie sans argent et détesté de presque toute sa famille. Ils vendent les propriétés, ils vendent les tableaux, ils vendent les meubles. C'est une volonté de tout détruire, de ne rien laisser. Ce type commet des gestes qui sont, à mon avis, impensables. Pourquoi cette volonté de mettre un point final à l'histoire de la prétendance des Orléans au trône de France? C'est une énigme. Secret d'actualité vous raconte comment cet homme a cru devenir un jour roi de France et pourquoi, alors que le destin lui avait tout donné, il a choisi de tout perdre. Juillet 1954. La date n'est pas célèbre et pourtant, c'est à partir de ce jour que le comte de Paris croit qu'il sera roi de France. En effet, c'est ce jour-là, en banlieue parisienne, dans le plus grand secret, que l'héritier des rois de France rencontre le général de Gaulle. Et là, contre toute attente, de Gaulle se déclare favorable à la monarchie. Le général de Gaulle considérait que c'était l'héritier des rois de France. Et dans les années qui suivent, de Gaulle va aller encore plus loin. Il va laisser comprendre au prince qu'il veut tout simplement lui donner le pouvoir. De Gaulle est très clair. Vous aurez donc 3 ans à vous préparer. Je ne me représenterai pas à la fin de mon septennat. Le comte de Paris s'imagine longtemps que le général de Gaulle prépare la restauration. Voici comment le comte de Paris a prévu, avec l'aide du général de Gaulle, de monter sur le trône de France. Dans les années 50, le comte de Paris croit réellement qu'un jour, sous le nom d'Henri VI, il régnera sur son pays. Il faut dire que pendant toute son existence, il n'a eu que cette idée en tête. D'abord, et bien sûr parce qu'il est un Orléans. Il est le descendant direct de Louis XIII et l'arrière-arrière-petit-fils de Louis-Philippe, le dernier des rois à avoir régné sur les Français. Il sait qu'il n'est pas un être tout à fait comme les autres. Et cette conscience, il l'aura tout au long de sa vie. Alors, lorsque le général de Gaulle en personne lui dit qu'il est monarchiste, le prince se met à croire à son destin. Nous avons retrouvé les notes prises par le comte de Paris lui-même lors de leur rencontre à l'Élysée. De Gaulle est parfaitement clair. La République n'est pas le régime qui convienne à la France. Si la France doit vivre, alors la monarchie aura son rôle. Il y a un ou deux discours de De Gaulle où il dit « La France ne fait que des bêtises depuis 150 ans », c'est-à-dire depuis la chute de l'Ancien Régime. Donc, De Gaulle n'est pas... C'est un républicain de raison, mais ce n'est pas un républicain de passion. Le comte de Paris va tout mettre en œuvre pour arriver au pouvoir. Et d'abord, il va chercher à être populaire auprès des Français. Il faut qu'il se fasse connaître et il faut qu'il apprenne à connaître les Français. Le prétendant au trône va donc voyager partout en France et jusque dans ses colonies. Il va ensuite décider d'acheter ce superbe manoir à Louveciennes, aux portes de Paris. Et là, devant les caméras, le comte, sa femme et leurs 11 enfants vont alors tous participer à une véritable mise en scène, celle de la parfaite famille française. Tout le monde sait que le comte de Paris est le chef d'une nombreuse famille, que ses enfants sont heureux, etc., etc. C'est le père de famille française idéal. Le comte de Paris le sait. S'il veut devenir roi, il doit aussi se soumettre à la volonté du général de Gaulle. Et à l'époque, en 1957, de Gaulle a un objectif, se rapprocher de l'Allemagne. Alors, le prince a une idée. Il va marier son fils aîné, Henri, à la fille de l'une des plus grandes familles de l'aristocratie allemande, les von Württemberg. Cinquante ans après, le fils du comte de Paris reconnaît lui-même que son mariage n'était qu'une manœuvre politique. Tout ça, si vous voulez, participer de cette vie que mon père avait décidé, où nous étions, pour ainsi dire, le décor, parfois les pièces maîtresses, en tout cas, ont participé à sa vie politique. Et la tâche ne s'arrête pas là. Le prince doit aussi séduire les réseaux du pouvoir. Il organise alors très régulièrement de somptueuses réceptions. Il a commencé surtout à donner ses dîners qui étaient des lieux de réunion de tout ce que la France comptait en illustration. Politiciens, ministres en exercice, députés de tous les partis. Tout ça a été deux fois par semaine. Il y avait des dîners de 40 personnes. Mais pour conquérir le pouvoir, un outil est indispensable, la télévision. Pour apprendre à s'exprimer devant les caméras, le prince aménage chez lui un studio professionnel. Je peux vous dire que mon père avait dans son bureau une pièce comme celle-ci qui était faite pour la télévision, pour se préparer. Je pense que perdre l'Algérie, ce serait perdre sous peu tous les territoires d'Afrique. Il y avait des acteurs qui venaient de temps en temps pour sa diction, pour essayer de le faire parler, lui poser des questions. Pardon ? Je pense que perdre l'Algérie. De fait, le comte de Paris n'est pas à l'aise devant les caméras. Et il doit s'entraîner très régulièrement. Okay. Je m'excuse, on va le reprendre. On continue. Je pars. Ok, très bien, parfait. Même la fin, le regard dirigé ici, c'est parfait. Mais avant de devenir roi, de Gaulle veut que le comte de Paris soit d'abord président de la République. Ce n'est qu'après qu'il pourra demander aux Français, par référendum, s'ils veulent de la monarchie. Il disait toujours au comte de Paris, il faudra qu'à un moment, vous passiez par le suffrage universel, et le comte de Paris en avait tout à fait conscience, et il disait même que c'était, il m'expliquait toujours que c'était un peu le signe du sacre. Mais alors qu'il croit enfin toucher au but et monter sur le trône de ses ancêtres, les espoirs du prince vont s'effondrer. Le 4 novembre 1965, contrairement à ce qu'il avait promis au comte de Paris, de Gaulle annonce officiellement qu'il se représente à l'élection présidentielle. Après tout ce que nous avons fait ensemble, dans la guerre et dans la paix, chacune de vous, chacun de vous, aura l'occasion de prouver son estime et sa confiance. Il a dit « Je ne peux pas laisser le pouvoir au comte de Paris ». J'y suis, j'y reste. Et il a gardé le pouvoir. Malgré tous ses efforts, le prince n'a pas réussi à prouver au général qu'il avait la carrure d'un homme d'État. Charles de Gaulle, 12 868 661, soit 55%. Le général de Gaulle est réélu. Quelques mois plus tard, le soir du 20 janvier 1966, à l'Élysée, le président reçoit une dernière fois le comte de Paris. Et ce soir-là, de Gaulle va enterrer définitivement tous les espoirs du prince. Voici ce qu'il a lui-même rapporté de leur entretien. Personnellement, j'aurais souhaité la monarchie. Vous connaissez mon sentiment à cet égard. La croyez-vous possible ? Peut-être pas. Je le regrette. Non, je ne la crois pas possible. Cette nuit de janvier 1966, le comte de Paris va la vivre comme un chaos debout. Pour le prince, c'est plus qu'un échec. C'est l'espoir de toute sa vie qui s'écroule. Toute son existence, il a rêvé qu'il serait à la hauteur de ses ancêtres qui, depuis 1000 ans, ont régné sur la France. Comme un monarque, il voulait être tout. Ce soir-là, il pense qu'il n'est plus rien. C'est à ce moment-là qu'au fond du désespoir, le comte de Paris conçoit son terrible projet. Puisqu'il ne peut pas être le nouveau roi, il sera le dernier. Et sa chute sera aussi spectaculaire qu'aurait dû être son couronnement. Juillet 1998, le comte de Paris fête ses 90 ans. Ce jour-là, duc, prince et archiduchesse sont venus de toutes les cours d'Europe. Tout est fait pour donner une image parfaite de la famille de France. Et pourtant, la réalité est tout autre. En apparence, ce jour-là, le fils aîné de la famille, Henri, sourit pour la photo officielle. En réalité, père et fils se mènent en coulisses une guerre sans merci. En apparence toujours, le comte de Paris et sa femme semblent jouer au couple idéal. En réalité, le prince la trompe ouvertement et vit avec sa maîtresse depuis 25 ans. En apparence enfin, le château d'Amboise reste toujours la résidence familiale. En réalité, il ne lui appartient plus. Le comte de Paris a fait totalement disparaître les centaines de millions de son immense fortune. Cette façon qu'avait le comte de Paris de vouloir, moi il me disait, ils n'auront rien, ils n'auront que leurs larmes pour pleurer. C'est une volonté de tout détruire, de ne rien laisser. Et voici comment le comte de Paris a réussi à semer la haine dans sa famille et à faire disparaître l'immense fortune des Orléans. C'est en 1940, à la mort de son père, que le comte de Paris hérite de la gigantesque fortune familiale. Un trésor de guerre constitué à l'origine par le roi Louis-Philippe. Ce patrimoine fabuleux, ce sont des bijoux uniques, des tableaux de maîtres et des châteaux dans toute l'Europe. L'héritage des Orléans, c'est des hectares de terre, c'est des châteaux, c'est des meubles, c'est des bijoux, c'est des peintures. C'est ça l'héritage des Orléans. Il y a de l'argent, bien sûr, il y a de l'argent sur les comptes. Mais je veux dire, on ne peut pas le chiffrer en termes de compte en banque. On va dire c'est tel château, c'est une peinture d'Ingres, c'est le collier de Marie-Antoinette. Donc chiffrer la fortune du comte à cette époque, c'est impossible. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est énorme. Les Orléans ont toujours fait attention à ce que cette fortune ne s'éparpille pas. Car c'est très important pour les prétendants d'être à la hauteur de cette prétention, à la hauteur de cette ambition. Et on ne peut pas l'être sans moyens. Et puisqu'en 1966, le général de Gaulle l'a trahi, puisqu'il a raté sa mission, le trésor des Orléans doit disparaître. Il vend les propriétés, il vend les tableaux, il vend les meubles. Comme il a échoué, il ne faut pas que les autres réussissent. Un peu comme le capitaine de navire qui coule avec son bateau, mais ayant demandé à à tout l'équipage de rester sur place. Dans le passé, il avait déjà entamé son patrimoine pour financer ses actions politiques. Mais dès les années 70, les ventes deviennent systématiques. En 1971, il se débarrasse du manoir de Loucienne, qui était pourtant le symbole de son retour en politique. Ensuite, c'est le château de sa naissance, le Nouvion en Tirache. Enfin, c'est la maison familiale de la Quinta do Anjinho au Portugal. De ses ventes, il ne parle jamais à sa famille. Il y a un épisode d'ailleurs qui est très intéressant, c'est quand la comtesse de Paris souhaite se rendre à la Quinta, au Portugal. Le comte de Paris refuse qu'elle s'y rende à plusieurs reprises. Elle insiste et il refuse qu'elle s'y rende. Et finalement, elle y va avec une de ses filles, je crois que c'est la plus jeune, et en arrivant à la Quinta, elle apprend que la Quinta a été vendue. C'est un épisode qui illustre assez bien sa façon de fonctionner. Après les immeubles, le comte de Paris s'attaque aux meubles. Il organise des ventes aux enchères et la vaisselle, le mobilier, les bijoux, les tableaux, à chaque fois des pièces inestimables, sont dispersées aux quatre vents. C'était pathétique, c'était terrible, cette volonté comme ça de tout dilapider, de tout lâcher. Si vous voulez reprendre toute la liste de ce qu'avait amassé Louis-Philippe, hein, qui est considérable, vous reprenez cette liste et vous la prenez dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce que l'un a fait, l'autre le détricote en quelque sorte. Et pour accélérer sa ruine, le prince va avoir un coup de génie, créer une fondation. En effet, il sera impossible pour les héritiers de récupérer ce qui lui est légué. En 1974, le prétendant au trône crée donc la fondation Saint-Louis et lui lègue presque tout ce qu'il n'est pas arrivé à vendre. Les trésors que je donne à la France, je les donne aussi bien au régime instauré la République qu'à la France, et pour moi ça sera toujours la même chose. Léguer son patrimoine à la France, peut-être. Mais pour ses enfants, cette ruine a une autre explication. La haine envers sa famille. Je pense qu'il avait une volonté très puissante je peux presque dire de haine ou d'exclusion, si vous voulez, de tout ce qui était familial. Et il a voulu sortir, si vous voulez, une grande partie de tous les biens de la famille, de notre famille, pour les intégrer dans cette fondation de façon à ce que nous n'ayons plus rien.